football, on vient de parler de la football cité, de la cité étudiante de Robertval. Ici à Jean Dolbeau, ben, tous les mercredis, ce sera un rendez-vous hebdomadaire comme on a fait l'an passé avec l'instructeur-chef Steven Girard. Les Jaguars qui ont débuté leur saison, je pense, il y a 2 semaines. Salut Steve! Salut Steven, excuse-moi. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien Steven. Salut. Hey, ça fait 2 semaines que vous êtes commencé, hein? Oui, c'est ça fait deux semaines donc, qu'on est okay. commencé. À quoi ça ressemble l'équipe? Je sais que vous avez perdu la semaine passée, mais à quoi ressemble l'équipe? J'ai un bon noyau de joueurs, mais ça va quand même très bien malgré nos deux défaites pareil. J'ai un très bon noyau de joueurs, mais j'ai des joueurs, beaucoup de joueurs inexpérimentés dans le football qui en sont à leur première saison. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup d'apprentissage pour eux, là. Mais je reste avec quand même un bon groupe d'athlètes. Pourtant, avec les Carcajou de l'école secondaire des Chutes, vous aviez quand même, c'était fait un petit peu pour ça, pour initier les joueurs au football, arriver après ça par la suite au niveau de Jean Dolbeau, puis c'était mieux. Est-ce que oui, sauf la grosse différence, les jamboree, c'est pas des parties complètes. Okay. C'est des 30 minutes non chronométrées. Ce qui est quand même l'opposé là, d'une partie normale qui dure à peu près là, entre 2 heures, 2 heures et demie. Fait que là, on rentre d'un autre aspect du jeu. Surtout les jamborees avec les carcajoux au printemps, mais il n'y a pas d'unité spéciale, il n'y a aucun botté, il n'y a rien de tout. Okay. Fait que à l'automne, là, c'est vraiment une saison avec tout le jeu du football au grand. Mais il n'y aurait pas moyen de faire des représentations un petit peu pour que vous vous adaptez? Parce que là, tu es en train de me dire que faut que tu les inities pour que vraiment que ces jamborees-là concordent avec vous autres? Ben, le but du jamboree premier là, au printemps, c'est juste de voir à quoi notre équipe pourrait okay. ressembler pour notre recrutement tout ça à l'automne. C'est pour ça qu'ils enlèvent toutes les unités spéciales. Souvent, il y en a que c'est leur première fois qu'ils touchent au football. Fait qu'on veut pas trop leur compliquer la tâche au grand complet pour qu'après ça, ils disent là au groupe, c'est compliqué, il y a trop de choses à faire, j'abandonne. Fait qu'on essaie de simplifier ça le plus possible, dans le but de leur donner la piqûre du football, puis qu'éventuellement qu'ils viennent s'inscrire à l'automne, par exemple. OK. Donc, des deux défaites, t'as dit que c'est une équipe jeune cette année. J'imagine que c'est une équipe en construction, quoi? Oui, bien, au départ, je sais qu'on avait une bonne équipe. On a un bon noyau, comme je disais auparavant tantôt. Là, je trouve que là, j'ai été décimé par les blessures, surtout sur la ligne offensive et défensive, de où est-ce que le football décolle à... où est-ce que ça passe, ça prend toute son importance, une offensive défensive. J'ai perdu quatre joueurs partants autant sur la ligne défensive qu'offensive. Fait que là, je me ramasse avec beaucoup de secondaires 1 que eux, à l'automne, normalement, ne font que pratiquer, ils ne jouent pas tout de suite pour leur donner l'expérience, leur faire comprendre un petit peu c'est quoi le principe du football. Là, il a fallu que j'aille un petit peu plus vite qu'à l'habitude avec eux. Fait que là, j'ai 4 secondaires 1 sur ma ligne. Puis la plupart des clubs, ben c'est pratiquement tout du monde à son air 2, 3 qui ont beaucoup d'expérience là-dedans, là, qui jouent depuis 2 ou 3 semaines. Okay. Fait que ça nous donne pas de chance, mais j'ai une belle progression pareil, puis je sais qu'éventuellement, mais si on a un qui embarque là, ben même qui arrive en secondaire 3, ben eux autres vont avoir une coche de plus que sur que les autres. C'est par période aussi. Là, l'année passée, c'était ma grosse année, tout le monde était en maturité. Cette année, je retombe avec un club un petit peu plus jeune. Puis, regarde, on fait ce qui va avec, puis ça va virer de notre bord. En fait, tu as vécu, Saint-Félicien vit ce que toi tu as vécu l'année passée. Une équipe à maturité, c'est souvent un programme de 3 ans, c'est ça? Oui, exactement. C'est qu'eux, ils ont justement, c'est secondaire 1, 2, 3, ils ont 27 secondaires 3 sur un total d'à peu près 35 joueurs. Okay. Ça change une partie beaucoup, mais regarde, c'est mon tour était l'année passée. C'est une période. Fait qu'à un moment donné, l'année prochaine puis l'autre année d'après, on devrait s'améliorer. OK. Hey, est-ce que je parlais avec la cité étudiante de Robertval tantôt, il me disait que c'était difficile à recruter. Est-ce que c'est difficile aussi de votre côté? Ben cette année, non, c'est pas si pire. Okay. On a eu une belle année des beaux jamborees au printemps, ce qui m'a permis d'avoir plus de facilité là, à recruter pour justement ma saison d'automne. Mais non, pour une des rares fois, ce qui vient contraindre à tout ça, c'est souvent que le hockey décolle, puis les joueurs jouent au hockey souvent. Fait que la plupart des athlètes dans l'équipe sont ceux qui jouent au hockey en même temps. Par les années auparavant, j'avais beaucoup de difficultés, là. Il fallait que je fasse coordonner l'horaire. Souvent, les jeunes, c'était 7 jours sur 7 hockey, football, ça n'arrêtait pas d'un bord puis de l'autre. Les parents venaient qu'à trouver ça moins drôle parce qu'ils ont les études à travers ça. Ouais. Mais là, j'ai trouvé un petit système là, que ça me permet d'avoir un meilleur recrutement et que les jeunes sont attirés quand même vers le football. OK. Si on parlait du match de la semaine passée contre Saint-Félicien, c'était une défaite? Oui. Une défaite de 30-2. Malgré la défaite, je pense qu'on a quand même beaucoup de points positifs. Je m'attendais à pire que ça, pour être franc. À la demi, c'était seulement 10-2. Ils ont fait leur toucher. Il restait une vingtaine de secondes à la demi. Fait que ça a été relativement serré contre une équipe que je pense que il n'y a pas grand monde qui vont s'approcher de leur donner du fil à retour. Normalement, je m'attends à ce qu'ils gongent haut la main là, la saison et les séries. Fait que je pense que pour être très franc, je suis très très heureux du score final malgré la défaite. J'ai toujours dit à mes joueurs, c'est pas la victoire à tout prix, mais de la façon dont c'est ça, exactement. La force de l'équipe, ça se situe à quel niveau? Je dirais que la tertiaire, en défensive, la tertiaire, c'est une des rares années que j'ai une tertiaire aussi forte, ainsi que les receveurs aussi. Normalement, dans la plupart des clubs ont deux receveurs, mettons, qui ont souvent des balles, les autres sont moins bons un petit peu. Là, cette année, je serais capable d'en mettre 7-8 sur le terrain. J'ai fait rouler pour le niveau du terrain. J'en ai beaucoup qui sont très bons. Fait que, comme je disais tantôt, j'ai une équipe jeune, donc ça va juste être bon pour les prochaines années. Mais niveau défensif, la tertiaire est excellente. Puis en offensive, à mes receveurs, j'ai pas un mot à dire, c'est hard. OK. Steven, à tous les mercredis, tu seras avec nous comme l'année passée, puis ça va me faire plaisir de te parler encore. Oui. Parfait, voilà, merci. Donc l'instructeur-chef des Jaguars de Dolbeau, Mississauga, de la Polyvalente Jean-Dolbeau, Steven Girard.